des humains parfois me rendent pas track. Donc je continue ce morceau en break, en live de mon hamac. Étant plus jeune, j'adorais les bruits de la ville, des gens qui se filent et des automobiles. Des gens, mais je préfère le silence, me retrouver avec moi-même en méditation intense. Et c'est dans cet état que me viennent les mots les plus beaux. De rien, je fais un tout sonore dicté dans le micro. Je ne suis pas écrit au nom de ceux qui aiment les enfants avec trois cuillères de Nopron. Ni à Marcel, regardant pousser son bide tout au long de sa vie molle et vide et chrysalide. Il est chrysalide, il y restera. Moi je préfère être un papillon, créer des œuvres dans mon sillon. De ce que j'appelle user de mes cinq sens, ou vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. Ne m'inspirant rien, sauf du silence. Le monde de l'absurdité devient-il un bastion? Naître ou ne pas naître, telle est la question. Maintenant je suis ici, j'ai le choix de vivre dans la douceur ou bien survivre dans la douleur. C'est un chemin tracé dans la tête de chacun. Il faut se décider à la croisée de quelqu'un ou de quelqu'un. Soi-disant je suis un VIP, moi je voudrais n'être rien qu'un simple citoyen méditerranéen. Dans mon nom j'arrangerai les fruits de la terre. Je me vengerai de celui qui les mangerait. Je me souviendrai alors de ce jour où je chapardais des citrons dans les champs de Jeff Allou. Le pardon est facile quand la mémoire est saine, car l'homme est un cheval dont la raison sont les rênes. Et face au bien du bonheur à l'abondance, je vis simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer ce texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'apprendrai à mes enfants que la terre est une sphère. Je leur enseignerai que la couleur est illusion. J'apprendrai à mes enfants qu'une guerre est un enfer. Je leur enseignerai le respect des traditions. Car les anciens sont à la mémoire, la sagesse, un fils de métèque. Ne l'est pas dans un hospice, oh no. Même si l'argent ne coule pas à flot, il faut se dire que dans la vie il y a des bas, il y a des hauts. J'ai passé plus de temps en bas. Pourtant s'il fallait décrire les moments, je ne le saurais pas. Joie et tristesse, ça doit pénétrer à la manière du regard intense de deux êtres par une fenêtre. Éloignez-moi de la multitude pressée, préservez-moi de la solitude stressée. Loin du métro et des gaz d'échappement, loin du cri des bâtiments, du train-train et des coups de frein. La technologie était supposée me servir et non pas m'endormir pour m'asservir. Les valeurs de base ne sont pas si mal quand je pense simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer un texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer un texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer un texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence. J'aime entamer un texte après une relaxation, vivre simplement avec le calme comme essence.